Est-ce que t'en as pas marre de jouer sale dans ton coin, les seuls qui écoutent ton son, c'est tes pauvres voisins? Tu rêves de grosses voitures à des calmes en plates, mais seul sur ton vélo, y'a personne qui te mate. Ouais, je vois bien que t'as des étoiles dans les yeux, alors bienvenue petit dans mon industrie. C'est à l'âge, puis gars, et pas un gramme d'éthique, on va pouvoir se faire un maximum de fric. I love la loi du marché, on va customiser ton identité, dépecer, désosser, laisser mariner, pour rendre ta chair à moelleuse à souhait. Écoutez tes maquettes sans voix et c'est chic. Je vais transformer tout ça en soupe radiophonique. La rivière des effets sur ta voix fabriquée. Les violons un DJ, faut savoir s'adapter. Car c'est pas le talent qui ramène de l'argent. On va revoir ensemble toutes tes compositions. Viens là et prends ma main. Promis c'est pour ton vieux. Yeah. Ma petite soeur trouve que t'es vraiment punk. Yeah. Et les ados craquent pour les garçons mal coiffés. Ou comment remplir des piscines de ces prix. Leur fourrant ta gueule dans tous les magazines. Car ce n'est pas le talent qui fait les grands succès. Fucking rich with a big gold chain and shiny car. Some people say we have it all wrong, but think a little and tell me, who are the one you can see on TV, on your mobile phone and the magazine? So listen to what we have to say. I could turn the guitar and fucking on mine. Rappelle-toi bien que tu bosses pour moi. Pour moi, des hits pour les super-hits. Rappelle-toi bien que tu bosses pour moi. Pour moi.